vous faites quelque chose, vous travaillez sur les, je sais pas très bien entendu, les migrants britanniques ou ça? Les migrants en Bretagne. Ah oui, d'accord, bah oui. Ils repartent, non? Non. On n'a pas de chiffre encore pour confirmer ça. D'accord. En tout cas, ils ont. Ça m'intéresse beaucoup. Et ce qui m'intéresse également, particulièrement, c'est sur notre sujet, sur la musique dans la diaspora caribéenne, si j'ai compris. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, donc à toi la parole, ou à vous la parole, si vous faites une intervention un peu en canon, je ne sais pas. On doit la faire, on doit faire une intervention en duo, effectivement, dans une semaine, dans un autre. On fait ça souvent ça, au gré de nos rencontres, quand c'est pas à Rennes, c'est à Mexico, à Paris, ou à Rome, parfois. Mais donc c'est une chance pour moi que Ilan soit là. Nous travaillons en effet de manière assez. On se retrouve souvent sur les thèmes, les terrains. Et je vous remercie d'être à tous. Je sais que tout le monde est très. Très occupé cette période, et donc je vous serais gré d'avoir pris un peu de temps pour venir parler de sujet qui apparemment intéresse beaucoup, c'est la question des migrants. Alors j'avais annoncé effectivement un sujet qui est assez global, assez général, celui des acteurs, des migrants transnationaux comme acteurs sociaux et culturels. Et c'est le thème qui m'occupe depuis quelques années. Mais évidemment, je vais peut-être restreindre un peu la voilure, d'autant que c'est une recherche qui est en cours, qui n'est pas terminée, et que j'aurai peut-être l'occasion, si on m'invite encore, en reparler à l'Hermine. L'Hermine, je le remercie de cette invitation. Je suis très, toujours très heureux de venir à Rennes, et j'ai eu l'occasion d'intervenir déjà dans ce cadre-ci, dans le passé. Aujourd'hui, je vais plutôt traiter d'un des aspects de cette question, et je vais prendre un exemple particulier. L'idée, ma thèse que je développe, que j'essaie de soutenir dans mes travaux actuellement. Je travaillais avant sur d'autres thèmes, mais actuellement je travaille. La thèse, c'est que les migrants ne sont pas seulement des victimes, ou ne sont pas seulement des éléments anonymes de flux, etc. Des objets de politique publique et ne sont pas réductibles, si vous voulez, à l'aspect économique, démographique, politique, aspect sur lesquels on les étudie habituellement. Ce que je défends, c'est l'idée que les migrants sont également des acteurs, qu'ils sont souvent des victimes, évidemment, de la globalisation et tout ça, mais qu'ils ne sont pas que cela, et qu'ils peuvent être des acteurs, je vais donner un exemple fort, je crois, et qu'ils peuvent être et qu'ils sont à peu près toujours aussi les créateurs de leur propre représentation, de leur expérience. Qu'il y a toute une vécue qui est souvent laissée de côté dans les études. Là, je parle dans un cadre qui est un cadre de chercheurs, d'étudiants, etc. Donc, je vais parler certainement en termes un petit peu moins empiriques, factuels, qu'en essayant d'expliquer cette orientation que j'essaie de défendre. Cette orientation, d'une sociologie des migrants plus que d'études des migrations. L'étude des migrations est quelque chose qui a explosé de ces dernières décennies. Tout le monde travaille sur les migrations d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, géographique, etc. sociologie, mais peu de gens s'intéressent, je trouve, aux migrants et à leur expérience. C'est donc ça que je propose de compléter. Je ne mets pas en cause les travaux innombrables et certains excellents qui sont faits sur les migrations, mais je pense qu'il y a une autre dimension qui, elle, n'est pas souvent traitée, et qui est la subjectivité, si vous voulez, des migrants, ce que cette expérience signifie pour eux, et leur capacité à être les inventeurs de leur expérience. Alors, pour illustrer ceci, je vais me centrer sur un fait qui est assez massif et qui n'a pas été, je trouve, analysé à la hauteur de son importance. Il s'agit du mouvement des Latinos aux États-Unis en 2006. Tout le monde a entendu parler parce que la presse en a beaucoup parlé. La télévision en a beaucoup parlé, on a eu beaucoup d'images, en tout cas en 2006. Les médias en ont parlé. Mais bizarrement, ce sont les scientifiques sociaux qui n'ont pas tellement relayé, qui ne sont pas tellement intéressés. Il y a eu... Il vient de sortir récemment un livre en anglais de l'auteur Kim Voss, qui est la chef du département de sociologie à l'université de Berkeley, avec une collègue qui s'appelle Irène Blumrad. Il y a eu de nombreux articles, il y a eu des articles de universitaires mexicains, d'universitaires américains. J'ai moi-même publié un article dans un livre que Ilan a dirigé sur ce thème-là. Mais je trouve que très vite, on a un peu oublié ce mouvement. Or, je pense qu'il est extrêmement significatif. Et ce mouvement était un mouvement de migrants, justement, et de migrants clandestins. Enfin, qu'on appelle clandestins, illégaux, tout ça entre guillemets si vous voulez, mais enfin, sans papier. Alors, je vais expliquer tout ça, et en plus, c'était le plus massif et le plus significatif, je dirais, des mouvements sociaux latino-américains de la dernière décennie, et qui s'est déployé en dehors des frontières de l'Amérique latine, mais porté par des latino-américains. Je ne sais pas si Ilan sera d'accord, puisqu'il travaille aussi sur les mouvements sociaux, mais il y a toujours des mouvements sociaux importants dans les frontières de l'Amérique latine, mais le plus important et le plus massif aussi s'est déroulé au-delà de la frontière, dans le nord, aux États-Unis, là où les latino-américains se comptent maintenant par... juste pour fixer les esprits, on compte que ce qu'on appelle latino ou hispanique aux États-Unis représente 45 millions à peu près de personnes. Je prends comme un pays européen, 45 millions de personnes, et qu'ils sont aujourd'hui 15-16% de la population américaine, plus que les Noirs. Ils ont dépassé, depuis l'an 2000, dans les recensements, ils ont dépassé la population noire en nombre. Évidemment, ces 45 millions, il y a toutes sortes de catégories. Il y a des gens qui sont nés aux États-Unis, américains donc. Il y a des gens qui ont des papiers, qui sont naturalisés, d'autres avec un titre de séjour. Il y a aussi des sans-papiers. Alors, les sans-papiers aux États-Unis, on considère qu'il y a à peu près 12 millions de sans-papiers aux États-Unis. Parmi ces sans-papiers, tous ne sont pas latinos, mais la grande majorité sont latinos. Les deux tiers ou plus sont latinos. Et on peut dire, que sans trop se tromper, que les sans-papiers latinos aux États-Unis sont des millions. je sais pas, autour de 8 ou 9 millions, c'est difficile parce que ça bouge, ça évolue, et puis il n'y a pas des ressentiments non plus. C'est plus sérieux aux États-Unis sans qu'ailleurs, mais malgré tout, il y a des flottements. Et parmi ces, mettons, 8 millions, les deux tiers sont mexicains, à peu près. Les deux tiers des sans-papiers. Et je me sens là-dessus parce que ces deux tiers-là, c'est quelques millions de Mexicains aux États-Unis qui vont retenir surtout mon attention ils ont été les porteurs de ce mouvement. Donc je disais que c'est le plus grand mouvement social qui soit développé avec des acteurs latino-américains dans la dernière décennie. Mais c'est aussi le plus grand mouvement social aux États-Unis depuis très longtemps. Depuis en particulier les fameux mouvements pour les droits civiques, le mouvement pour les droits civiques, on peut employer le pluriel, des années 50 et 60. Tout le monde le connaît. Et depuis les mouvements contre la guerre du Vietnam dans les années 60 et début des années 70, qui ont été sont traduites, comme chacun sait, par d'énormes mobilisations aux États-Unis. Mais qui avaient une forme civico-politique et politique dans l'autre cas. Tandis que ici, vous avez affaire à un mouvement qui est centré sur le social, sur qu'on peut appeler un mouvement social ou culturel, je dirais pourquoi, mais c'est un mouvement de travailleurs, de travailleurs immigrés, de travailleurs. Donc, dans toute l'histoire des États-Unis, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, contrairement à certains stéréotypes européens, les États-Unis sont un pays de grands mouvements sociaux. Mais celui-ci en est un, et il est porté par des gens qui ne sont pas, en tout cas pas majoritairement, de nationalité américaine. C'est un événement spectaculaire parce que certaines villes comme Los Angeles, Dallas, il faut dire que cet événement a eu lieu dans plus de 120 villes des États-Unis. Tous les États-Unis ont été, ou quasiment tous les États-Unis, ont été balayés par cette vague qui a duré 2 mois et qui est retombée après. Un temps assez court, et comme je dis toujours, mai 68 en France ça a été deux fois plus court, et on en parle encore. Ici ça a duré 2 mois à peu près, mars, avril, jusqu'au 1er mai 2006. C'est pourquoi on l'appelle le printemps des latinos aux États-Unis, comme maintenant on parle du printemps arabe, etc. Là ça a été un printemps des latinos aux États-Unis, un éveil de cette population, enfin, et son déversement dans l'espace public. C'était très spectaculaire, je disais, parce que des villes comme Los Angeles et par exemple et Dallas, pour prendre deux, n'avaient jamais vu de manifestations aussi énormes, jamais de leur histoire. Et ça a eu lieu aussi bien à Chicago. Même dans des petites villes du Midwest, dans l'Utah aussi, dans les Rocheuses, il y a eu comme ça. Et en plus, c'était des manifestations à répétition aussi. Hein. À Los Angeles, il y en a eu beaucoup, à Chicago, il y en a eu beaucoup, etc. Alors, cet événement, qui est quand même un événement spectaculaire, et en plus, totalement pacifique, il n'y a pas eu un carreau de brisé, si il n'y a pas eu un incident, il n'y a pas eu de répression non plus, il n'y a pas eu de violence, aucune. 5 millions de personnes, on calcule qu'en 4-5 millions de personnes ont participé activement. Des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, etc. Des scolaires, des non-scolaires, etc. Des travailleurs. Alors, cet événement spectaculaire donne quand même l'occasion pour des gens qui s'intéressent aux mouvements sociaux de s'interroger sur la capacité justement des migrants transnationaux qui sont considérés, comme je le disais tout à l'heure en entrée, la plupart du temps comme de simples agents économiques ou comme des victimes de la globalisation, etc. Bon. Sur leur capacité à devenir des acteurs sociaux et des acteurs culturels, je m'expliquerai peut-être plus longuement là-dessus tout à l'heure. On sait que dans ceux qui travaillons là-dessus, sur le problème des migrants, il y a un paradigme qui s'est imposé dans les études qui concernent, et qui a d'ailleurs son origine, ce paradigme, en grande partie dans les études sur les migrations mexicaines aux États-Unis, c'est celui des communautés transnationales et les réseaux transnationaux. Dans beaucoup d'études prennent ce modèle-là, ce cadre-là, cette thématique-là pour analyser. Bon. Alors, la question que je pose ici, est-ce que ces communautés, ces réseaux transnationaux peuvent être les supports ou les sujets, si vous voulez, ou les acteurs de mouvements sociaux? Alors, comment, et autre question générale qui oriente ma réflexion, comment un mouvement comme le Printemps des Latinos articule-t-il les dimensions sociales, culturelles dont je parlais, et politiques? Je parlerai aussi de la dimension politique. S'agit-il simplement d'une nouvelle expression du rêve américain visant l'intégration à cette nation qui se définit elle-même comme une nation d'immigrés, les États-Unis, et l'accession à la citoyenneté, donc une dimension politique qui existe? Est-ce que c'est seulement ça? Elle existe dans le mouvement, j'y reviens. Ou est-ce que c'est un mouvement qui déborde le cadre de l'État-nation en obéissant à des logiques et des aspirations caractéristiques d'une globalisation la phase actuelle de la globalisation dont les migrations transnationales sont évidemment l'une des principales dimensions, l'une des principales composantes. À ce sujet, il faut dire que les manifestants de 2006, les millions de manifestants qui ont déferlé dans les rues et les places aux États-Unis, ces manifestants ne s'opposent pas à la globalisation, ne s'inscrivent pas dans le mouvement alter-mondialiste, etc. Ils ne s'y posent pas. C'est pourtant cette globalisation, d'une certaine forme, l'ALENA, dont Ilan, que Ilan étudie, l'ALENA, c'est-à-dire l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, est certainement une des causes, si on peut considérer que l'ALENA est dans la région une des formes d'expression de la globalisation, expression régionale. L'ALENA est certainement l'une des causes, enfin bon, tout ce que ça comporte, de l'accélération des migrations depuis les années 90, de l'explosion, on peut même dire, des migrations des Mexicains aux États-Unis. Mais en réalité, les manifestants ne s'élèvent pas contre la globalisation en soi. Ils s'élèvent certainement contre les formes brutales et tronquées, je dirais, de cette globalisation. Qui fait d'eux de simples rouages subalternes de la machine économique et qui se referment sur eux comme un piège parce qu'ils ont le droit de circuler dans un sens, mais étant sans papier, ils n'ont pas le droit de circuler dans l'autre sens. Donc c'est comme une espèce de piège. Enfin, ils circulent illégalement pour aller vers le nord, mais enfin, ils sont attirés. Et ce piège les prive de droits, tout simplement, et les condamne à vivre en illégaux, en clandestins. La même chose s'applique en Europe. Mais ici, ils se révoltent contre cette injustice fondamentale, contre un déni d'humanité, et ils expriment une indignation morale, j'y reviendrai en conclusion. Ils affichent en même temps au grand jour des solidarités familiales et communautaires fortes, et il faut s'évanouir des subjectivités individuelles. Parce que ça a été une grande fête en même temps, ces mouvements. Une grande fête. Peut-être il faut quand même que je rappelle certains faits, même si dans l'ensemble, dans mon exposé, je vais les faire qu'ils soient supposés connus, parce que je n'ai pas envie de faire un cours d'information, enfin, c'est une conférence d'information. Mais quand même, certains faits méritent d'être. Et puis je répondrai à vos questions après. C'est que les manifestations, il se trouve que je travaillais moi-même avec des migrants aux États-Unis à l'époque, et ont commencé après une loi qui a été votée à la Chambre des représentants, qui n'est jamais devenue une loi parce qu'elle n'a pas. Parce que le mouvement aussi est opposé, en grande partie, une loi qui criminalisait la situation, enfin bon, qui criminalisait les migrants clandestins. Elle est connue comme la loi Seltenbrenner parce que elle avait été, l'initiative de cette loi venait d'un député, d'un représentant du Wisconsin d'ailleurs, qui l'avait fait voter à la Chambre des représentants. Et cette loi criminalisait les migrants clandestins, mais criminalisait aussi, faisait félonie, le terme du texte, l'aide aux migrants clandestins. Et ça, ça a été aussi un facteur. Bon, alors, la loi, le projet de loi, enfin, loi votée par Bill, et un des slogans des manifestants, c'était « Kill the Bill ». C'est comme un film. Il y a beaucoup de choses de films, d'ailleurs, dans ce mouvement. Mais j'y reviendrai. Ce sont les immigrés « indocumentados », comme on dit aux États-Unis, au Mexique, aux États-Unis, c'est-à-dire, et leurs enfants, les immigrés sans papier et leurs enfants, les enfants souvent nés aux États-Unis, qui ont été et donc américains, parce que c'est le droit du sol, qui ont été le fer de lance des mobilisations. Ils ont fourni les principaux contingents de ces manifestations. Mais le mouvement est apparu comme l'expression de l'ensemble des latinos, en réalité. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est quand, très souvent, ceux qui ont des papiers ne se solidarisent plus avec ceux qui n'en ont pas. On considère qu'il y a même souvent une tendance à fermer la porte derrière soi. Bon. Et les sociologues ont souvent mis le doigt sur ce clivage, ce hiatus existant. Eh bien, ici, ce n'est pas ce qui s'est passé. On peut même dire que le mouvement est apparu comme l'expression de l'ensemble des latinos, je l'ai dit, et comme la constitutif producteur d'un nouvel acteur social aux États-Unis, la communauté des latinos. Il a produit, de certaines façons, ce mouvement a produit une communauté des latinos, qui existait peut-être de manière diffuse, etc., mais qui était, elle est divisée aussi, cette communauté. Et là, elle s'est réellement réunie autour de la protestation contre la loi Seltenbrenner. Ces communautés latinos, elles existaient sous forme d'associations, de réseaux à vocation d'assistance, à vocation sportive, religieuse, culturelle, de ces communautés transnationales, comme on dit, qui fait qu'on reste en relation par-delà la frontière avec la communauté d'origine, ou le quartier d'origine, ou la région d'origine, et qu'on constitue des réseaux d'entraide, d'assistance, et qui existe aussi en Europe avec les subsahariens ou les nord-africains, etc. Alors, mais ces communautés ne s'étaient pas manifestées comme ce qu'on peut, dans le jargon sociologique, appeler un acteur social, que de manière fragmentée. Il y a eu des mouvements sociaux fragmentés. Et puis, il y en a un qui est très connu, mais qui n'est pas spécialement des immigrés, hein, que tout le monde a entendu parler, du mouvement Chicano des années 60-70. Le mouvement Chicano n'était pas porté par des immigrés. Il était même assez anti-immigré. Son leader, Adrián Chávez, il n'était pas favorable aux immigrés. Les Chicano, ce n'est pas des immigrés. Il faut le savoir, parce que... Maintenant, le terme Chicano, on le met à toutes les sauces. Mais, si on veut être un petit peu rigoureux, les Chicanos sont, ça vient de Mexicano, bien sûr, mais ce sont des Américains. Ils sont nés, souvent d'ailleurs, ils ne parlent pas espagnol, ils ne parlent plus espagnol. Ils parlent une espèce de spanglish parfois, mais la plupart, quand vous leur parlez en espagnol, vous regardent soit choqués, soit ne comprenant pas. Le mouvement des Chicanos dans les années 60 a été un mouvement de travailleurs agricoles, enfin il a commencé comme ça, dans les, dans les vignobles et dans les champs de la vallée centrale de Californie. Après, il s'est étendu, il a un aspect culturel, un aspect etc. Et ça a été un mouvement qui était finalement dans la même sphère, dans le même champ, que les mouvements pour les droits civiques, que le mouvement civil rights de Martin Luther King, etc. Et le mouvement des Chicanos est un mouvement des minorités, la minorité hispanique, si vous voulez, enfin, d'origine, parce qu'ils parlent pas tous, qui affirmait une spécificité comme les Indiens, comme les Noirs, etc. Et qui se rapprochait de ces mouvements et qui avait d'ailleurs l'appui d'une aile du Parti démocrate, puisque Robert Kennedy, par exemple, comment il s'appelait, le mari à l'époque de Jane Fonda, qui était aussi un député démocrate, pas le type de la CNN, un autre. C'était des grands, ils sont travaillé et lutté avec ce mouvement des Chicanos. Mais ce mouvement des Chicanos qui s'est, disons, éteint, comme les mouvements pour les droits civiques, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont obtenu, certains ont obtenu satisfaction, dont d'autres, d'ailleurs la grande grève du raisin, comme on l'a appelé, a été couronnée de succès finalement, à l'époque. Mais elle a duré des années, mais elle a été couronnée de succès. Et ces mouvements-là, ce mouvement des Chicanos, il est derrière nous, il n'est pas. Et le mouvement de 2006 n'est pas exactement dans la continuité, même s'il y a des réminiscences. En tout cas, il y a quelque chose de différent, c'est que le mouvement des Chicanos était porté essentiellement par des Chicanos, c'est-à-dire, si vous voulez, des Mexicains américains, pas par des immigrés. Alors, je reviens un peu sur là-dessus, mais c'est important. Pour la première fois, on voit des larges se réunir ou se rassembler ou converger ou se solidariser des secteurs d'immigrés qui sont détenteurs d'un permis de travail, d'un titre de séjour ou qui sont naturalisés. Et avec eux se sont solidarisés des gens. Non, ils se sont solidarisés avec des sans-papiers et ont pris une part active dans le mouvement. des Mexicains et des personnes d'origine mexicaine principalement, mais aussi des personnes originaires d'autres pays latino-américains. Je me centre un peu sur les Mexicains parce qu'ils ont été vraiment les plus nombreux, mais d'origine mexicaine, ils étaient plus nombreux. Alors, le projet Sensenbrenner a contribué en fait à souder et à consolider cette communauté des Latinos, et l'ensemble de ses membres, et pas seulement les clandestins, se sont sentis agressés par le vote de la Chambre des représentants. Et ils ont vu une injustice fondamentale, le reflet d'une discrimination et une menace en fait d'apartheid. La solidarité entre ces différentes catégories de Latinos a fonctionné d'autant plus aisément que dans une même famille, coexistent souvent des personnes en situation régulière, d'autres en situation irrégulière, d'autres encore qui ont échoué dans leur tentative d'entrer aux États-Unis et qui ont été expulsés une fois rentrés, ce qui explique aussi le caractère très familial et très intergénérationnel de ce mouvement, de ces manifestations. La présence d'une forte proportion de femmes dans ce mouvement doit être soulignée aussi, d'enfants et des élèves des écoles secondaires et préparatoires. Tout ça donnait à ces manifestations des allures de grandes fêtes bigarrées, pacifiques, sans affrontement et sans incident, encore une fois. Alors, je vais faire un petit détour en disant, sur les acteurs de ce mouvement, j'ai dit l'essentiel en disant ce que je viens de dire, mais il faut ensuite détailler, analyser. Alors, d'abord, c'est un mouvement de travailleurs. L'immense majorité, pas que des travailleurs, puisque je viens de dire qu'il y avait des élèves, des enfants même, mais l'immense majorité des manifestants et des manifestantes adultes étaient des travailleurs et des travailleuses. Et l'un des slogans, c'est « No somos criminales », somos trabajadores. Nous ne sommes pas des criminels, comme on veut nous faire passer pour. Nous sommes des travailleurs. Toutefois, les préparations de ces grandes manifestations ne s'effectuaient pas, s'effectuaient moins dans les entreprises et les autres lieux de travail que dans les quartiers habités par les Latinos. Dans les transports entre leur domicile et leur lieu de travail, dans les rues, dans les parcs, les salles de fête et d'autres espaces publics qui sont souvent plus animés par des Latinos aux États-Unis que par des Anglos. Les Anglos vont chez eux. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont clandestins, mais quand même assez visibles. Et là, ils ont vraiment occupé cet espace qu'ils occupent avec, en faisant attention jusque-là, mais ils ont occupé, ils se sont... Et c'était le but, c'est devenir visible et affirmer sa visibilité. Combattre le racisme qui veut toujours vous rendre honte, vous faire honte de vous et vous amener à vous cacher, etc., à biaiser. Alors, mais pour revenir au fait que ce soit des travailleurs et des travailleuses, il faut quand même dire que ces manifestations s'articulaient moins autour de conflits sociaux, ce qui est la définition en général d'un mouvement social stricto sensu, en tout cas dans les sociétés industrielles, et ils s'articulaient moins autour de conflits sociaux que d'une protestation globale adressée à l'État, à l'État, et au secteur dirigeant de la société américaine. Et la référence était moins la classe sociale que la communauté. C'est très important. La communauté particulière, hein, nous sommes de tel village, nous avons telle identité, etc. Et la communauté, la grande communauté des Latinos. Et même lors de l'apogée de ce mouvement qui a été la fameuse grève du 1er mai 2006, les manifestants n'ont pas occupé les usines, ni les domaines agricoles où ils travaillent, ni les centres commerciaux où ils travaillent. J'ajouterais, ni Hollywood où ils promènent les chiens et font le ménage. pas Hollywood, Beverly Hills. Ils ont défilé dans les rues. Ça a été vraiment ça. Et les élèves des écoles secondaires dont je parlais tout à l'heure n'ont pas occupé leurs établissements. Mais au contraire, ils ont déserté pour rejoindre les marches, ce que désigne bien l'expression qui « walk out ». C'était le « walk out » des étudiants. Ils sortaient de là et s'affirmaient dans l'espace public. Je parlais de cette grande grève du 1er mai. C'est l'occasion de faire une assise. Le 1er mai a été décrété... Un jour sans immigrants. A day without an immigrant. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cet intitulé de la journée reprend un film de fiction qui avait été réalisé par, d'ailleurs, un latino, Alfonso Arau, qui s'appelle A Day Without a Mexican. Nous l'avons présenté à Edouard Manuel au festival de Douarnenez en 2005. Ça avait été fait quelques années avant ce film. C'était une fiction qui disait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis si un jour les immigrés, et les Mexicains en particulier, s'arrêtent de travailler. Ben, le pays s'effondre. Bon. Et c'était. Les Mexicains, les Latinos avaient vu ce film, en tout cas connaissaient l'existence de ce film, et ils ont repris la fiction a précédé la réalité, si vous voulez, a précédé le mouvement. C'est assez amusant. Bon, alors, je reviens sur la question des travailleurs. Le mouvement ne s'inscrit pas dans les catégories et les cadres de l'action syndicale classique, même si les syndicats ont joué un certain rôle, mais tiède, hein, plutôt tiède. Ceux qui ont joué un rôle du côté syndical, c'est souvent, je vais vite, mais c'est souvent... ceux qui étaient dans la continuité du mouvement Chicano dont je avais parlé tout à l'heure et qui avaient gardé bon et ils ont accompagné le mouvement, mais c'est pas eux qui l'ont lancé et c'est pas eux qui l'ont porté non plus. ça me donne l'occasion de dire que d'autres ont accompagné le mouvement, par exemple l'Église catholique. Je vois que l'heure tourne. Alors, l'Église catholique a eu un effet certainement très favorable au mouvement, mais ce n'est pas eux qui l'ont lancé non plus. Mais ils lui ont donné une espèce de bénédiction, en tout cas à un moment donné, au début. Le cardinal de Los Angeles, Roger Mahoney, a menacé même d'en appeler à la désobéissance civile si la loi Sensenbrenner était confirmée. Ça a été fort, parce que la plupart des Mexicains, enfin la grande majorité quand même, des latinos aux États-Unis sont catholiques, peut-être pas fervents, mais pratiquants, de culture catholique. Donc ça compte. Et il y a même certains employeurs, en particulier des entrepreneurs et des commerçants latinos, qui ont donné leur aval au mouvement, leur appui. Et il y a même un directeur, on cite un directeur exécutif de la chaîne d'hôtels Marriott International, je ne sais pas s'il y en a par là, des Marriott, qui a déclaré que si la mesure venait à être appliquée, ils se retrouveraient dans la même cellule de prison que le cardinal McCarrick, archevêque de Washington. Vous voyez, c'était pas la lutte des classes, il y avait même certaines convergences. Après, ils ont beaucoup modéré l'Église en particulier. Ils ont dit oui, mais c'est pas bien de faire un jour sans travailler, des choses comme ça. Bon. Mais, et puis, il faut pas manifester, il faut rester chez soi. Enfin, il y a de tout dans l'Église. Hein, donc, quand ils ont vu que ça prenait au-delà de ce qu'ils comptaient, ils ont un petit peu revenu. Alors, mais cela dit, ce qui est important, ce ne sont pas, c'est parce que souvent on a dit, ah oui, mais ce mouvement, il a été comme les autres, organisé par les syndicats, ou organisé par l'Église, etc. C'est totalement faux. Certains secteurs, peu de secteurs politiques, j'y reviendrai, mais des secteurs syndicaux, des secteurs d'Église, etc., l'ont accompagné, mais en fait, il est né spontanément, n'est pas un bon mot, mais il est né comme une réaction forte à cette agression qu'était pour les gens la loi Sensenbrenner. Ça a été vraiment une explosion. Et c'était rapide, parce que la loi Sensenbrenner a été votée en décembre 2005. Et ce mouvement, l'étincelle, c'est ça, je crois, mais les débuts, là, ça a eu lieu quelques semaines après. En février 2006, s'est tenue une réunion des associations communautaires d'immigrés latinos, etc., en Californie. Et c'est là qu'ils ont appelé, ça c'était un déclencheur, ils ont commencé à dire il faut répondre à ça, il faut manifester, il faut se réunir, etc. Et donc ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est Hometown Associations, ces communautés de migrants, ces communautés trans, ces associations de ressortissants, on dit parfois, qui sont réunies avec différentes ONG, des choses comme ça. Et qui ont. Mais ce qui est important, c'est que ça a été relayé très vite par les médias latinos. Or, les médias latinos, c'est quelque chose de très important. Quand on a un marché de comme 45 millions de personnes dans un pays, les États-Unis, ça représente quelque chose, y compris pour les médias. Et les médias, c'est aux États-Unis, on dénombre des médias en espagnol aux États-Unis, on dénombre plus de 300 stations de radio, plus de 700 journaux. Et hebdomadaire, trois grandes chaînes de télévision, 160 chaînes locales et câblées, etc. C'est un réseau important. Eh bien, l'un des phénomènes extraordinaires de ce mouvement a été justement que ce phénomène, plus que par les syndicats, a été porté par ce réseau-là, répercuté par ce réseau-là, plus que par les syndicats ou les partis. Et que les vrais héros avec AUT plutôt que OS, de ce mouvement ont été des figures, ce qu'on appelle, ce que tout le monde appelle, des DJs, des animateurs, des locuteurs de radio. Et il y en a qui sont devenus, qui étaient déjà célèbres d'ailleurs, comme DJs, hein, et qui s'appelle, l'un s'appelle El Piolin, l'autre El Mandril, l'autre El Pistolero, tout ça, ça a des noms, l'autre El Cucuy. Trois d'entre eux, des quatre les plus fameux, trois d'entre eux sont d'origine mexicaine, un autre d'origine hondurienne. Et ils ont été, pour les jeunes surtout, les annonciateurs et les messagers du mouvement, mais plus que ça, je dirais. Ils étaient comme des relais, enfin ce que j'ai appelé des héros, mais pas des leaders, parce que ce mouvement n'a pas de leader. C'est ça qui est intéressant aussi. Le mouvement du Chicano, il avait un grand leader. Le mouvement des droits civiques avait un grand leader. Ce mouvement-ci, vous seriez bien en peine de trouver un leader. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de structure d'ailleurs, il n'y avait pas d'avant-garde. C'est un mouvement extrêmement... Excusez-moi, j'attendais un... J'ai laissé mon portable, mais excusez-moi, je vais devoir l'éteindre. Mais je l'ai laissé parce que j'attends, mais ce n'est pas celui-là, un message trop important. Excusez-moi. Je l'éteins. Donc je disais que c'est un mouvement qui s'est étendu, développé, non pas verticalement, mais horizontalement. Et les réseaux ici, en particulier ces réseaux radiophoniques, mais ça va bien au-delà, ont les téléphones portables, voilà, je vais en parler, c'est ça que je connais. C'était bien vu, là. Téléphone portable, Internet, enfin, tout ce qu'on a vu dans le printemps arabe, ou à peu près tout, parce que Twitter, je crois, n'existait pas en 2006 encore, tout a été également présent ici de manière très centrale. Et très fort. Je vois que le temps passe. Alors, je vais parler de la dimension politique, parce que toujours on se pose cette question-là. Alors, qu'en est-il de la dimension et de la portée politique du mouvement ? Alors, je l'ai dit, les manifestants n'étaient pas mus par des partis, et ceux-ci se sont tenus d'ailleurs à l'écart des événements. Quelques élus ont apporté leur soutien, mais à titre personnel et avec réserve. Le plus connu étant Antonio Villaraigosa, qui était à l'époque maire de Los Angeles, et qui est lui-même immigré, parce qu'il est arrivé à l'âge de 4 ans à Los Angeles. Donc c'est immigré de la première génération. Et il s'est engagé, mais il s'est engagé plus en tant qu'immigré, à titre personnel, qu'en tant que membre du Parti démocrate. Il n'a pas, Et en tout cas, rien de comparable à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'appui des démocrates, et en particulier de Robert Kennedy au mouvement Chicano. Et autre aspect de la dimension, j'y reviendrai sur ça, mais... Autre aspect du côté mexicain, qu'elle était, c'est aussi au sein de la société civile au Mexique que s'est exprimé un courant de sympathie et parfois de fierté à l'égard de ses compatriotes qui, naguère, étaient plutôt jalousés ou traités de déserteurs, etc. Et leur image, en effet, s'est modifiée au Mexique aussi, je pense. Mais il n'y a pas eu de manifestation d'ampleur comparable au Mexique. Pas une manifestation de soutien, si un peu, mais pas rien de comparable en tout cas. Et le gouvernement et les partis mexicains ne leur ont apporté leur soutien que très mollement, de principe disons. Et de toute façon, il ne constitue pour eux qu'un enjeu pour le gouvernement mexicain, pour les partis mexicains. Les millions et millions de Mexicains aux États-Unis ne constituent qu'un enjeu périphérique. Il est intéressant à ce sujet de montrer, de noter que le volume, la même année, en 2006, il y a des élections très importantes au Mexique, des élections présidentielles. Eh bien, pour la première fois, les Mexicains à l'étranger, donc aux États-Unis, pouvaient voter, s'ils étaient toujours Mexicains. Et bon, et la grande majorité sont toujours Mexicains. Ils pouvaient voter et, en tout cas, il y avait... 4 millions, on considère en général que 4 millions de Mexicains aux États-Unis auraient pu voter au Mexique, en principe, selon la loi. Et ces 4 millions, c'est à peu près le nombre de manifestants aux États-Unis dans le printemps des Latinos. Eh bien, sur ces 4 millions, à peine 1% d'entre eux a participé effectivement au vote de 2006, de juillet, c'était juillet, hein, 2006. Donc, voilà. On, qu'il y a une disproportion, cette dimension politique, en tout cas, par rapport au Mexique, n'existe pas. Si j'avais le temps, je dirais qu'il y a une dissociation entre nation et État. Le Mexique a été une nation-État forte, un peu comme la France, etc. Très soudée, l'État et la nation se confondaient culturellement, politiquement, etc. Et là, on a une dissociation, parce que les Mexicains aux États-Unis se considèrent comme Mexicains. Disons, ils vénèrent la Vierge de Guadalupe, ils la mettent partout, etc. Ils la transforment d'ailleurs. Ils se considèrent comme Mexicains, mais ils se considèrent aussi comme Américains, et ils ne voient pas l'intérêt de voter ou de participer à la vie politique au Mexique. Ça, même si, évidemment, on me dira, oui, mais les gens qui ont travaillé là-dessus disent, mais oui, mais il était difficile, il fallait aller, les conditions étaient difficiles. Oui, mais il n'y avait pas réellement une volonté, il n'y a pas eu de mobilisation pour demander pour voter. Alors qu'il y a eu des manifestations pour demander des papiers, parce que ça dit ça, et pour rejeter l'affront Saint-Saint-Brenard, il y a eu, alors là, des millions. Alors, d'ailleurs, un des slogans aussi des manifestants, c'est « Today we march, tomorrow we vote ». Aujourd'hui, nous marchons et demain, nous voterons. Mais ça ne veut pas dire, ça s'adressait aux autorités américaines. C'était une espèce de pression sur les autorités et la classe politique américaine, mais c'est pas du tout, ça ne s'adressait pas au Mexique. Alors, puisque ça s'adressait, c'est la revendication d'un... C'est même pas la revendication d'un droit, parce que les immigrés n'ont pas le droit de vote, pas plus qu'en France, aux États-Unis, mais c'est comme un avertissement et une tentative de faire pression sur la sphère politique américaine. Habituellement, la capacité de pression politique des immigrés latinos aux États-Unis est limitée, sinon inexistante. La grande majorité d'entre eux ne votent pas dans ce pays, soit qu'ils ne sont pas habilités à le faire parce qu'ils n'ont pas de papier, soit qu'ils s'abstiennent, ce qui est la majorité de ceux qui pourraient le faire. Le fait que c'est l'ensemble de la communauté hispanique qui s'est sentie concernée par les politiques anti-immigrés a modifié les données du problème. Même si l'abstention est forte, comme je viens de le dire, au sein de l'électorat latino potentiel, l'augmentation croissante du nombre des votants, une dizaine de millions en novembre 2008, procure à cet électorat un rôle de plus en plus crucial dans les élections au niveau fédéral et surtout au niveau des counties et des États. Alors, le mouvement d'ailleurs a eu un impact politique réel. D'abord, en mai, immédiatement pendant le mouvement ou après le mouvement, le Sénat a voté une proposition de loi relativement modérée et qui était en contradiction avec celle votée par la Chambre des représentants. Donc ça a déjà mis un pataquès là-dedans. Et la loi Saint-Saint-Brenard n'a jamais été approuvée aux États-Unis. Donc là, il y a déjà une victoire de ce mouvement, une victoire politique, en un sens, pas seulement politique, mais politique aussi. Mais elle a été de courte durée, parce qu'en septembre de la même année, dans le contexte de la campagne pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, le même Sénat a durci sa position, dans le contexte électoral, on connaît ça en France aussi. Et il a voté en faveur de la construction d'un mur de 700 miles, c'est-à-dire 1000 et quelques kilomètres. La frontière entre les États-Unis et le Mexique fait 3200. Mais construire ce mur, c'est un projet récurrent, c'est un fantasme des conservateurs américains, des républicains conservateurs américains, mais ça c'est à peu près comme construire, comme aller sur Mars, hein, ça coûte au moins sans doute autant. Mais on en construit des bouts, il y a des bouts, de plus en plus, ça c'est vrai. Bon. Alors, ce projet donc, voilà donc... Et qu'est-ce qui s'est passé d'abord, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? En 2008, chacun sait, Barack Obama a été élu. Les Latinos ont joué un rôle. Il se trouve que ceux qui votent, les Latinos qui votent aux États-Unis, traditionnellement votent démocrate, majoritairement. Ils ont voté ils ont voté Kennedy, c'était leur grand homme, ils ont voté Clinton, qui était vraiment adulé dans le milieu latino, adulé, peut-être pas le mot, mais enfin bon, il était reconnu, et il s'est passé que ça a changé avec Bush. Bush a fait une percée, il n'a pas emporté la majorité du vote latino, mais il a fait une percée en 2000, il a été élu en 2000 et en 2004, mais c'est surtout en 2004 qu'il a fait une percée. Bon, il faut dire que le vote latino, c'est aussi celui des Cubains, etc., mais même dans le vote des Mexicains. Barack Obama a renversé cette tendance de nouveau. C'est-à-dire que Barack Obama a obtenu 66% du vote latino et plus des trois quarts des latinos immigrés en situation de voter. Ça existe aussi, qui ont immigré, qui ont la nationalité, qui ont naturalisé la nationalité. Donc c'est beaucoup, c'est moins que les Noirs. Les Noirs ont voté Obama avec 90 ou je ne sais pas quoi, pour cent. Mais quand même, ce vote des latinos a été assez décisif pour la victoire d'Obama, qui n'était pas évident. Il a été assez décisif, surtout que c'était beaucoup de jeunes qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales et qui ont voté. Et pour aller vite, tous ces gens sont très déçus aujourd'hui. Parce que Obama, c'est pas que je suis anti-Obama du tout, j'étais le 4 novembre à Los Angeles et j'ai vécu dans moi-même dans l'émotion ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que depuis l'élection d'Obama, les expulsions, les refoulements à la frontière, loin de diminuer, se sont même multipliés. Et surtout les mesures anti-immigrés au niveau des États. Tout le monde a entendu parler, ça fait la une l'année dernière, de ce qui s'est passé en Arizona, dernièrement c'était plus en Alabama, tous ces États, Utah, Indiana, Georgia, ont pris des mesures très dures, surtout l'Arizona d'ailleurs, et l'Alabama, très contre les immigrés. C'est pas le pouvoir fédéral qui fait ça, il y a même eu des bagarres entre le pouvoir fédéral et les États, il y a une espèce de guérilla actuellement sur cette question des immigrés entre le pouvoir fédéral et les États. Mais le pouvoir fédéral n'a pas non plus pris la loi générale comprehensive law favorable aux immigrés qu'on attendait, que les latinos attendaient d'autant plus qu'ils ont voté Obama en grande majorité. Et il n'a pas eu de changement décisif intervenu dans ce sens. Il n'y a même pas eu de mesure que les jeunes attendaient, comme le Dream Act, on en parlait hier, qui est je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais ce qui concerne particulièrement les jeunes qui font des études secondaires et qui ne peuvent pas s'inscrire en université après, s'ils n'ont pas la nationalité américaine, enfin bref, c'est un petit truc. Bon, même ça, il n'a pas été capable de le, si vous voulez, pour parler comme ça, il n'a pas été capable de l'imposer. Il s'est occupé d'autres choses, chacun sait, de la santé et d'autres choses, mais la loi qui était attendue, parce qu'il y a eu une loi dans le passé en 1986 qui a légalisé massivement 3 millions et quelques d'immigrés. Les latinos ont se souvenir que c'est lui. Mais là, il y a rien, ils attendaient, il n'y a rien eu. Alors que le slogan même de Obama était un slogan qui vient du mouvement Chicano. Si c'est poédé, un des principaux slogans du mouvement Chicano. Vous traduisez si c'est poédé en anglais, ça donne yes we can. Les latinos vont retrouver là-dedans, c'est si c'est poédé. Il y a le cas. Et on dit même que Barack Obama aurait participé à l'époque, à Chicago sans doute, à une manifestation d'appui, un des politiques qui aurait apporté son appui justement à ces mouvements de 2006. Mais on était donc en droit d'attendre et ça n'est pas venu. Donc, en résumé, politiquement, les effets des mobilisations de 2006 sont un caractère flottant, ambivalent, voilà. C'est vrai que les immigrés sans papiers sont sortis de l'invisibilité. Ils ont Ils ont pris conscience de leur poids dans l'économie et la société américaine, en plus de celui qu'ils ont dans l'économie et la société mexicaine par les mandats, vous voyez, ce qu'on appelle les remessas. Et ils ont commencé certainement à se sentir moins illégitimes. En revanche, en termes politico-juridiques, les avancées sont moins apparentes que même les reculs dans certains États, les États les plus durs. Et la tentative de criminaliser les sans-papiers a subi un revers au niveau fédéral, mais aucune loi générale de l'immigration, je le répète, n'est venue jusqu'ici régulariser leur statut, et le projet Sensenbrenner inspire, même s'il a été annulé, il inspire la politique d'un nombre croissant d'États, dont ceux que j'ai nommés. La situation de générale des migrants demeure donc très incertaine et continue à dépendre des aléas de la vie électorale et de l'évolution économique. Et aujourd'hui, on est de nouveau en année électorale aux États-Unis, et le thème est candente et chaud. Et chaud parce que la droite républicaine en fait un étendard et que les démocrates sont assez tièdes sur cette question. Hein, parce qu'ils pensent à leur électorat, un électorat qui, en temps de crise, comme en Europe, se braque pas mal sur les immigrés. À ce propos, oui, il faut le dire, la crise qui a débuté en 2008 avec les subprimes a contribué à attiser l'hostilité à l'égard des clandestins. Les flux de personnes vers le nord, c'est-à-dire en particulier du Mexique, pas que du Mexique, mais le centre du Mexique, les flux de personnes vers le nord ont fortement ralenti. Les perspectives de ceux qui sont aux États-Unis et qui souhaitent y rester se sont trouvées fragilisées. Mais le taux de chômage parmi les immigrants a sans doute doublé et le volume des remessas, des envois d'argent au Mexique qui avait dépassé les 20 milliards de dollars a chuté. Si la crise se prolonge, et elle se prolonge pour le moment, et que les politiques répressives se développent, elles pourraient mettre en cause les fondements de ce que j'appelle le rêve mexicain-américain, le rêve de pouvoir circuler entre les deux pays, etc., d'être à la fois américain et mexicain. Alors, est-ce que j'ai encore combien de temps parce que je voudrais conclure sur deux points. Conclu. Hein. En principe, il te reste 3 minutes, je crois. Là, je vais avoir besoin d'un peu plus. Mais prends un peu plus. Je veux dire d'abord, parce que c'est quand même l'objet de mon... Il y a les deux points que je voulais développer, mais peut-être que le dernier, je reviendrai dans la discussion. Alors, c'est que le premier, c'est qu'on est passé, ce mouvement, si vous voulez, pour moi, le sens principal de ce mouvement, c'est de passer de la communauté transnationale à un mouvement des migrants transnationaux. Pas la même chose. Le deuxième point que je ne développerai peut-être pas cette fois-ci, c'est de mettre ce printemps des Latinos dans le contexte de l'éclairer à la lumière des mouvements sociaux aujourd'hui. L'année 2011, comme chacun sait, a été une grande année de mouvements sociaux dans le monde. Dans le monde arabe et en Europe, aux États-Unis, en Chine, même au Japon, ce qui est énorme, parce que le Japon, on ne manifeste jamais. Alors, ce point-là, je le laisserai peut-être, mais je veux parler de ce passage de la communauté transnationale au moment des migrants transnationaux qui me paraît, d'un point de vue sociologique, en tout cas pour mon interprétation de ce mouvement, quelque chose de central et d'essentiel. Je répéterai peut-être certaines choses. Les immigrés, en particulier les sans-papiers, se maintiennent habituellement, et on le sait en Europe, à distance de l'action collective. Pendant un siècle, les vagues successives d'immigrants mexicains aux États-Unis se sont conformées à cette règle. Il y a des raisons à cela, je ne reviendrai pas. Tout le sociologue les connaît, la surexploitation, la vulnérabilité, la précarité, le fait de devoir se cacher, le fait de se considérer de passage, l'objectif d'amasser le plus vite possible un pécule pour rembourser des dettes ou pour aider la famille ou retourner au pays la tête haute, bon, etc., etc. Toutes les raisons sont là pour que les immigrés, surtout sans papier, se tiennent à carreau. Et en général, ils se tiennent à carreau. Alors, ça rend d'autant plus intéressant ce mouvement-ci. En général, les meilleures protections des immigrés, ce n'est pas de sortir dans la rue, etc., ou de faire un mouvement social. Leurs meilleures protections, les meilleurs appuis sont ceux que procurent les cercles familiaux, les réseaux communautaires, etc. La communauté transnationale, comme on dit. Et ça, c'est un thème récurrent de toutes les études sur l'immigration, s'agissant des migrants latinos aux États-Unis. Les immigrés mexicains en particulier, les études sur les associations communautaires, là, les hometown associations, les associations de ressortissants, en d'autres termes, alimentent tout un paradigme, comme je l'ai dit au début, celui des communautés transnationales, et beaucoup de chercheurs l'ont transposé en Europe et en Afrique. Ces communautés, leurs organisations ne se constituent pas autour de conflits sociaux. Elles sont plutôt consensuelles, elles essaient d'être consensuelles. Elles poursuivent un objectif précis et limité qui est d'ordre économique, culturel, religieux, sportif, philanthropique ou tout simplement d'entraide, d'amitié, etc. Le plus souvent, il s'agit de venir en aide à la communauté de départ, à celle ou à celle de la communauté des immigrés dans le pays d'arrivée, etc. Ou tout simplement, l'objectif, c'est d'entretenir un entre-nous, on dirait. Alors, ce qui est apparu en 2006, c'est que même si en temps ordinaire, ces communautés fonctionnent selon un modèle consensuel et non une logique de conflit, encore moins de lutte de classe, elles sont susceptibles, lorsqu'elles sont confrontées à un enjeu qui les traverse et les dépasse, qui a été le cas avec la loi 7-7-1, de devenir le support d'un mouvement social et culturel. Culturel, j'entends par là un sens sociologique sur lequel je reviens. Les manifestations du printemps 2006 ont débordé les clivages entre les classes, je dis, entre les générations, entre les légaux et les illégaux. Les appartenances religieuses, ce n'était pas du tout l'objet de ce truc-là, même s'il y avait des appuis de secteurs d'église, mais ça ne. Voilà. Les appartenances ethniques et nationales, parce que là-dedans, il y avait des Mexicains, mais il y avait aussi des Latinos de toute nationalité, des Indiens comme des Métis, il y avait même des Philippins, des Afghans, etc., des Africains, en moins grand nombre, parce que les Latinos étaient quand même 90% des manifestants, mais bon. Et en tout cas, l'objet n'était pas d'affirmer quelque chose de national, ni d'ethnique, certainement pas. L'enjeu central est celui de l'affirmation et de la reconnaissance des migrants comme sujet, je veux dire. Et c'est ce que je veux dire quand je dis culturel. Il est culturel, cet objectif, le nœud du problème, si vous voulez, le cœur du réacteur. Mais il se décline en termes de justice sociale et en termes juridiques très concrets. Il s'agit d'avoir des papiers. L'obtention d'un statut légal conditionne l'accès à l'emploi, les conditions de travail en tout cas, peut-être pas l'accès à l'emploi toujours, parce qu'on emploie beaucoup de clandestins, bien sûr, les conditions de travail, la fin des discriminations et la liberté de circuler. Ça, c'est absolument essentiel. À l'intérieur des États-Unis et entre les États-Unis et chez eux. Le papier, c'est ce qui permet de circuler. Tant qu'on n'avait pas de papier, vous êtes pris dans le piège. Vous êtes bloqué. Vous avez traversé la frontière, vous ne pouvez pas la retraverser. Ou si vous la retraversez, vous ne pourrez pas revenir. Ou alors, ça vous coûtera très cher. Non seulement en argent, mais en vie humaine. Parce qu'il en meurt à peu près. Il en meurt des centaines. 300, 400 officiellement à la frontière chaque année. Moins qu'à la frontière sud de l'Europe, hein, je vous le signale. Quand on dénonce la frontière des États-Unis, on prévient de regarder la frontière sud de l'Europe. Mais on a raison de toute façon de le dénoncer. Donc, je disais que le printemps là je le dis, le printemps des Latinos participe de la je l'ai dit au début, de la constitution d'une identité commune qui transcende les identités particulières, communautaires, ethniques, nationales. Elle ne les annule pas, mais les déborde, et les englobe, et les transforme. Loin de correspondre à une catégorie homogène, uniforme et stabilisée, l'explosion du printemps 2006 a manifesté une dynamique d'invention d'identités multiples, inclusives, fluctuantes, où les choix individuels et collectifs jouent un rôle plus important que les assignations du sens commun ou des administrations. Être latino aux États-Unis, ou hispanique, en anglais, on dit, dans l'administration du renseignement, on emploie plutôt la catégorie hispanique, mais c'est à peu près pareil. Être latino aux États-Unis n'exclut pas d'être mexicain, dominicain, colombien, dans certains cas indien, d'Oaxaca, etc., etc. Mais cette identité nationale ou ethnique devient une pièce parmi d'autres d'un puzzle identitaire complexe et mouvant. On peut se dire latino le matin, mexicain l'après-midi et indien de Oaxaca le soir. Tout ça fait partie de... C'est extrêmement mouvant et c'est pas du tout figé. J'avais 3 minutes, donc je vais m'arrêter, je crois. Seulement pour dire quelque chose que sur la place du... Juste une phrase. Sur la place du mouvement du printemps des Latinos dans les mouvements sociaux d'aujourd'hui. Je reprendrai une expression d'un de nos collègues, Manuel Castells, que vous connaissez sans doute tous, et qui donnait une conférence sur les indignés à Paris en juin, où il parlait surtout des indignés, et il disait pour qu'un mouvement social naisse, il faut 3 choses. Une étincelle, un sentiment d'indignation et le dépassement de la peur. Eh bien, ces 3 choses, c'est ce qui a en effet été fondamental dans le printemps des Latinos aux États-Unis. L'indignation devant l'affront. En quoi consistait la criminalisation de leur être, en fait, de leur statut et de leur être, aux États-Unis. L'indignation. L'étincelle, ça a été la loi Sensenbrenner. L'indignation, c'est la réaction indignée des gens concernés. Et le dépassement de la peur. Les immigrés vivent dans la peur. La peur d'être expulsés, la peur, etc. Les immigrés sans papier. Et là... C'était vraiment une libération, et ça se sentait. Il suffit de revoir les images. Pour eux, c'était extraordinaire de sortir de l'invisibilité, de la peur, et de montrer, de s'affirmer. Et de s'affirmer fièrement en disant « Ce pays marche parce que nous le faisons marcher. » Et pas seulement marcher dans les rues. Voilà, je m'arrête là. Et si vous avez... de temps pour discuter de ça. Merci beaucoup, hein. C'est passionnant, très enrichissant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. En règle générale, je ne prends pas la parole en premier, donc je ne sais pas qui veut commencer à poser des questions à Yvan. Alors, qui se lance ? Oui ? Michel ? Avant de rentrer un peu dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que devient le Parti démocrate ? Pourquoi souhaitez-vous révéler